de Jules Moineau, sous une porte cochère. Ennuyeux comme la pluie serait, par comparaison juste, en certains cas, dans la bouche des gens assommés par une mauvaise comédie, un livre fastidieux, les gammes d'un élève pianiste ou un raseur. S'il était prouvé que la pluie est le type de la chose ennuyeuse au dernier point, mais elle inspirait des poètes depuis Anacreon avec l'amour mouillé, jusqu'à Fabre des Glancines avec il pleut bergère. Elle a fourni le sujet de tableaux estimés, le régiment qui passe, à détail et longtemps avant lui, le déluge, ce chef-d'œuvre toujours admiré au musée du Louvre. Et puis, Paris est pour l'amateur de pittoresque, un spectacle des plus variés. La vue d'une impériale d'omnibus garnie de voyageurs, les uns assis dans l'eau, les autres debout, un parapluie à la main. Est-il rien de plus réjouissant, non pour ces infortunés, mais pour les égoïstes qui les regardent. Et les assiégeants d'un omnibus en station, à sa tête de ligne, au moment où la bourrasque et le ciel d'encre, comme dit M. Zola, annoncent l'orage près d'éclater. Les habitants, ahuris d'une fourmilière sur laquelle on a mis le pied, donnent à peine l'idée de la fourmilière humaine qui se précipite vers le véhicule prêt à partir. « 28 !» crie le conducteur, et un gros monsieur bouscule tout le monde pour passer. Et il a le 137. « On l'a eu !»« Voilà le 28 !» crie une dame. « 29 !» crie une autre, puis on l'entend. « J'ai 30 !»« J'ai 31 !»« Ça va être à moi !» Et la bousculade va croissant, les larges gouttes, prélude de l'averse. Les parapluies aussitôt de s'ouvrir tous à la fois, les mouchoirs de s'étaler sur les chapeaux, et les protestations des dames, et les jurons des hommes, et les cris des enfants. « Maman, je veux monter !»« Faites donc attention, monsieur, votre parapluie s'est pris dans mes cheveux. Ne poussez donc pas comme ça, brut, brut !» Et une gifle tombée sur la joue de l'insulteur qui riposte. On s'écarte des deux champions et la bousculade redouble. « Complet !» crie le conducteur. « Impérial à volonté !»« Imbécile !» hurla monsieur irrité par cette facétie. Quel poème héroïque, comique !